Yoma, chapitre 14. La rue se remplit d'un lourd murmure, pareil à celui des brisants lointains et qui s'enfla lentement en un rugissement sourd et continu. Ce bruit s'approcha, venant des hauteurs, accompagné d'un flamboiement pareil à celui d'un incendie. Immédiatement, les lumières s'éteignirent dans toutes les maisons. Les portes furent barricadées. La rue se fit déserte comme un cimetière. Mais aux étages supérieurs, derrière les volets à lattes, tout le monde pouvait regarder s'approcher la lueur et entendre venir le rugissement. « Yoka vini !» s'écria Yuma. Et soudain, la grande rue fut envahie par un tonnerre de clameurs et tout embrasé par la lueur des torches. Une masse compacte de nègres en culottes de toile, nus jusqu'à la ceinture, s'approcha au pas de course. C'était l'avalanche des travailleurs. Les maisons tremblèrent sous le choc de leurs pieds nus. Une vibration, pareille à celle d'une légère secousse sismique, fit frémir tous les murs. Si seulement les travailleurs passaient sans s'arrêter. Des centaines étaient déjà passées, mais la vision tumultueuse semblait infinie. La cascade des grands chapeaux de paille était interminable, et, au-dessus de ce torrent, l'acier des pics, des fourches et des coutelas scintillait dans le vacillement des torches. Tout à coup, il y eut une halte imprévue. La foule se bouscula, se poussa, et la tempête des cris s'apaisa. La rue s'emplit d'une odeur sinistre d'alcool, une puanteur de tafia. La foule était évidemment ivre, et donc doublement redoutable. Quelqu'un donna un ordre que personne n'entendit distinctement. Alors une voix de stentor le répéta, tandis que le tumulte se calmait. « Là ! La même, Kayebeke. » Tous les visages noirs se tournèrent immédiatement vers la demeure des deux Kersins, et un rugissement partit de tous ces gosiers noirs. Malheureusement, la façade imposante de la maison, seule construction à deux étages dans cette rue de chaumière, révélait que ses propriétaires devaient sûrement être de riches béquets. Être un béquet, un blanc, c'était du moins, pour le simple travailleur, être un aristocrate, un ennemi de l'affranchissement et, sans doute, un propriétaire d'esclaves. « Fouillez-la !» tonna la même voix immense. Et toute la maison trembla. La foule secouait furieusement l'entrée principale, dont les massives portes doubles étaient cependant consolidées par une barre de fer. « Ouvez ! Ouvez pas nous !» hurla la foule. Monsieur de Kersin repoussa un volet du premier étage donnant sur la rue et regarda la foule. C'était une horde effrayante, pleine de visages de cauchemar. La plupart des figures lui étaient inconnues. Pourtant, il en reconnaissait quelques-unes, celles d'hommes du port, de la classe la plus basse, qui s'étaient joints aux travailleurs avant leur descente. Il y avait aussi des femmes dans la foule, elles criaient et gesticulaient. Certaines étaient des négresses des plantations, d'autres n'en étaient pas, et elles étaient les plus violentes. « Ça où l'est, mes filles ?» demanda M. de Kersin. La première fois, ils ne l'entendirent point à cause du tumulte, mais ils se turent lorsqu'ils aperçurent à la fenêtre le béquet aux cheveux blancs. Ils voulaient tous l'écouter. Monsieur de Kersin n'était pas sérieusement inquiet. Il croyait que la foule se bornerait à une manifestation brutale, à ce qu'en patois on appelle un « voum ». Il répéta en créole « Que voulez-vous, mes fils ?» C'était ainsi que le béquet s'adressait aux esclaves. Dans sa bouche, le mot « mon fils » prenait presque un sens d'affection patriarcale. Et même en ces années de républicanisme, cet usage survit encore. Mais tel que M. de Kersin le prononçait, le mot tomba sur la passion politique de la foule comme de l'huile sur le feu. « Où c'est Penouane ?» ricana un nègre moqueur. « Êtes-vous notre père ? Il n'y a plus de fils, il n'y a que de citoyens. « Il trop souillé, il trop malin !» cria une aigre voix de femme. « Le vieux blanc veut nous flatter, il est trop malin !»« Citoyen Poutos, répondit Monsieur de Kersin, « pourquoi voulez-vous forcer l'entrée de ma maison ? Vous ai-je jamais fait de mal ?»« Vous avez des armes chez vous !» répondit la même voix menaçante, qui, la première, avait attiré l'attention du peuple sur la maison des Kersin. Elle appartenait à un très grand nègre, qui paraissait le meneur de l'émeute. Il n'était vêtu que d'une culotte de canevas et d'un chapeau de paille, et il portait un coutelas. Monsieur de Kersin se souvint tout à coup de l'avoir déjà vu, qui travaillait comme commandeur sur la plantation de Fontlaillé. « Sylvain, mon fils, répondit M. de Kersin, nous ne sommes pas armés, mais des femmes et des enfants se sont réfugiés chez nous, et nous ne sommes pour rien dans les maux dont vous vous dites victimes. Où vais-ben nous ? Personne parmi vous n'a le droit d'entrer dans ma maison. Où vais-ben nous ? Vous n'avez pas le droit. Eh bien, nous prendrons le droit. S'écria le meneur. Alors il s'éleva une clameur générale. Des milliers de voix excitées répétèrent « Où vais-ben nous ?» La tête blanche du vieillard se retira de la fenêtre. Elle fut remplacée par un jeune et sombre visage très beau et très résolu. C'était celui du fils de Kersin. « T'as de charogne !» cria le jeune homme. « Oui, nous avons des armes, et nous savons nous en servir. Je brûlerai la cervelle au premier d'entre vous qui entrera ici. » Il tenait l'unique pistolet chargé. Il n'y avait pas d'autres armes dans la maison. Il comptait sur la lâcheté de la foule. Mais les nègres savaient ou croyaient savoir la vérité. Le vieux béquet ne leur avait pas menti. Il n'avait pas peur. « Bon, non, Kéoué !» dit le meneur d'une voix menaçante. « Enor !» cria-t-il en se tournant vers la foule. « Crasé, caillé, là !» Presque au même instant, une pierre lancée par une main puissante siffla tout près de la tête du jeune de Kersin et vint ricocher avec fracas sur les meubles de la chambre. Ce fut en vain qu'on ferma les volets. Un deuxième projectile les ouvrit de force, un troisième fendit ceux de la fenêtre voisine. Les pierres se succédaient. Plusieurs personnes furent gravement blessées. Une femme tomba étourdie, un homme eut l'épaule démise. La foule réclamait encore des pierres, toujours plus de pierres. Elle hurlait. « Bah non, ouoche ! Bah ouoche ! » Le pavé devant la maison était fait de grosses pierres et ne fournissait pas de projectiles. Mais un peu plus bas, une rue transversale était pavée de cailloux ronds tirés du lit de la rivière. Des négresses s'alignèrent alors en une rangée qui allait du point d'attaque à cette rue au cri de « Fais la chaîne !» Elles se passèrent de tablier en tablier les cailloux qu'elles avaient arrachés, et cela avec un ordre parfait. Les négresses étaient dressées depuis des générations à faire la chaîne, lorsqu'elles transportaient les pierres des torrents jusqu'au lieu de construction d'une maison ou d'un mur. Alors la pluie de pierres tomba dru et terrible. Elle fracassait les meubles, faisait éclater les murs, brisait les portes. Ceux qui ont vu le nègre créole abattre, sur les routes montagneuses, des fruits poussant à des hauteurs inaccessibles, pourront seuls comprendre comment il sait lancer une pierre. Déjà, tous les volets de l'étage supérieur étaient défoncés. Les assiégés s'étaient réfugiés dans les pièces de la façade postérieure. Mais les volets du rez-de-chaussée, très solides et protégés en partie par des barres de fer, résistaient toujours. Les portes de la grande entrée voûtée défiaient la pression robuste de toutes les épaules qui pesaient contre elles. « Menez pieds-bois ici ! Pieds-bois ! Pieds-bois !» criaient les hommes qui s'évertuaient à faire sauter les portes à la faveur du bombardement. Et le cri passa le long de la rue et gravit la pente de la montagne. De l'intérieur de la maison, il n'y avait plus moyen de se rendre compte de ce que faisait la foule. Il était impossible de s'approcher des fenêtres. Mais tout à coup, la rue retentit d'un tel cri qu'il était évident qu'un fait nouveau venait de se produire. « Ah ! Ce sont peut-être les soldats !» s'écria avec joie Madame de Kersin. Elle se trompait. La nouvelle effervescence était provoquée par l'apparition de la pied-bois, longue poutre que portait une vingtaine d'hommes qui criaient tous ensemble « Balais ! Balais !» Alors ceux qui poussaient des épaules sur la porte d'entrée reculèrent pour faire place aux béliers. Les nègres chantaient en se balançant « So, so, ya, ya, râlez faux !» Et toute la maison frémit sous le choc immense. « So, so, ya, ya, râlez faux !» Les serrures et les verrous sautèrent. L'encadrement même de la porte s'effondra avec une pluie de plâtras. La large barre de fer tenait toujours bon, mais elle s'était courbée comme un arc et les portes avaient bien cédé de 5 pouces. « So, so, ya, ya, râlez faux !» Il y eut un fracas de métal brisé, une explosion de bois qui éclate, et les portes s'abattirent. La voûte résonna du bruit de leur chute comme d'un coup de canon. Les hommes laissèrent tomber la poutre, et un rugissement de brute acclama l'exploit. À l'intérieur de la maison, tout était sombre. Ils hésitèrent un instant. Le vide et l'obscurité les intimidaient. « Pot et flambeau, Vini !» cria le meneur au porteur de torches en étendant la main. « Bas moins ! Bas moins !» Il saisit une torche et bondit en avant, brandissant de l'autre main son coutelas. Mais à l'instant même où il traversa le seuil, une détonation formidable retentit sous la voûte. Le grand nègre vacilla. Il laissa tomber sa torche et son coutelas. Il jeta ses bras en l'air, fit demi-tour sur lui-même et retomba sur le dos. Il était mort. Le jeune de Kersin avait tenu sa parole. Tous les nègres qui se pressaient devant l'entrée voulurent fuir en panique. Mais la pression de derrière, le cours de la rage aveugle était irrésistible, et ceux qui formaient l'avant-garde de la foule furent précipités sous la voûte, se bousculant, hurlant, se frappant, trébuchant sur le cadavre et sur les portes fracassées, avec un élan tel que plusieurs d'entre eux tombèrent. Le jeune de Kersin ne songea pas à fuir. Même lorsque les amis qui étaient descendus avec lui, voyant que toute résistance était inutile, remontèrent au 2e étage. Il demeura au pied de l'escalier, son pistolet déchargé à la main, Il se crut capable de refouler les envahisseurs, de les terroriser par sa seule force morale. Mais la terreur se transforme parfois en une rage aveugle, même chez l'esclave, poussé jusqu'au désespoir par la nécessité de braver le canon d'un pistolet. Les nègres se jetèrent sur le jeune homme avec toute l'énergie de la terreur. Il n'eut pas le temps de lancer son arme inutile dans le visage du premier. Une baïonnette attachée à une perche lui passa à travers le corps. Il s'effondra sans un cri sous les coups des coutelas qui battaient l'air, avec une frénésie telle que les assaillants s'entreblessaient dans leur rage. Au même instant, un nègre tira de l'entrée une décharge vers les blancs qui remontaient l'escalier. Monsieur Desrivières tomba. Il expira presque aussitôt, avant que ses amis aient pu l'emporter dans une chambre voisine, dont les portes furent immédiatement barricadées avec tous les meubles les plus lourds de la pièce. La charge entière lui était entrée dans le dos et avait brisé l'épine dorsale. La panique momentanée des nègres fut suivie d'une réaction de la haine, de la soif de vengeance de la foule. La haine traditionnelle du blanc, rendue plus forte encore par les passions du moment. La soif de venger la mort de leur chef d'autrefois et de tous les griefs imaginés ou vrais qu'ils avaient contre les blancs. Mais les appartements du rez-de-chaussée étaient vides. Les blancs s'étaient retirés dans les pièces du haut. Ils y avaient probablement des armes qu'ils gardaient pour s'en servir dans la dernière extrémité. Il serait peut-être imprudent de les y poursuivre. Et pourtant, ils n'échapperaient pas. Les fenêtres de derrière étaient élevées et donnaient sur une route de plantation qui longeait des champs de canne à sucre où des nègres armés faisaient le guet. Les murs latéraux étaient en maçonnerie solide, sans aucune ouverture. Impossible de s'échapper par le toit, qui s'élevait bien à 20 pieds au-dessus des toits de chaumières voisines. Les béquets étaient sans défense. Pourtant, personne ne s'offrit à mener l'assaut. Il n'y eut que des clameurs, de hideuses menaces, des cris de cannibales en délire. Cependant, une bande de noirs promenait à travers les rues, à la lueur des flambeaux, le cadavre de l'ancien meneur, hissé sur des battants de la porte. Des hommes armés couraient à côté. Ils montraient la cervelle rose qui sortait de la blessure et criaient « Miouk et assassinez-nous ! Ichouefouez-nous !» L'exaltation s'accrut encore et devint du délire maniaque. Mais une voix, celle d'une femme, la femme de Sylvain le meneur, glapit par-dessus tout le bruit. « Mettez dix fées ôtées, brûlez toutes béquées !» La foule répéta le cri qui se répercuta comme un tonnerre à travers la rue. « Dix fées, mettez dix fées !» Mais si par hasard les béquets tentaient une descente désespérée sur les incendiaires, « Ôtez l'escalier !» suggéra un nègre, et cette idée mit fin à toutes les hésitations. Ils étaient assez nombreux pour arracher tout l'escalier en 5 minutes, et il fallut moins de temps que ça pour que les émeutiers exécutassent l'idée qui leur avait été suggérée. Ils arrachèrent l'escalier. Ils le brisèrent en petits morceaux qu'ils entassèrent sur les dalles de l'entrée. Puis ils les enflammèrent à l'aide des torches. La rampe était en acajou, mais les marches étaient en bois du Nord, en pin jaune, résineux et léger. « Qu'à pleine gomme, qu'à brûler bien !» Immédiatement, tous les meubles du rez-de-chaussée furent démolis et empilés sur le bûcher. Qu'ils fussent combustibles ou non. Portraits, rideaux, verrines, bronzes, carpettes, miroirs et tentures. « Sacré tonné ! Nous qu'ébrilé toutes, Kéwe! Au premier étage, des bruits de terreur retentirent. Des pas qui couraient éperdument, des meubles qu'on traînait et enlevait de devant les portes, des cris. Ouais, ils sont moins braves à présent, les maudits béquets! Puis des visages apparurent à travers la fumée, se penchant vers le sol, regardant en bas. Une femme aux cheveux gris qui essayait de se faire entendre, d'émouvoir quelques cœurs. Une jeune mère qui désignait silencieusement son bébé. Deux bras noirs se tendirent vers elle en une raillerie sauvage et une négresse cria d'une voix rauque « Bas-moi un lit, moins s'évelopper en lait, y concha trou !» Et elle imitait la sèche qui dévore sa proie. Un éclat de rire grossier souligna cette plaisanterie infâme. La chaleur et la fumée devenaient insupportables. Les incendiaires se retirèrent dans la rue, et quelques-uns gagnèrent les champs de canne à sucre à l'arrière de la maison pour prévenir toute tentative d'évasion. Ils ne jetaient plus de pierres, ils étaient là, mais contents de contempler le progrès de leur vengeance. Les cris retentissaient toujours à l'étage supérieur. Ils y répondaient par des jurons et des railleries. La voûte rougit, s'illumina et se mit à rayonner comme une fournaise. Et la chaleur qui s'en dégageait força les nègres à se retirer encore davantage. Bientôt, à l'intérieur, le pétillement devint un sourd rugissement, pareil au bruit d'un torrent. Les flammes s'emparèrent de tout le rez-de-chaussée. Elles passèrent de longues langues jaunes par les fenêtres. Elles s'enroulaient autour de la maçonnerie. Elles léchaient les clés de voûte et les murs. Elles s'efforçaient de grimper et se mirent à dévorer la charpente des volets. Et, de temps à autre, dans la rue, résonnait l'appel sinistre et mélancolique des grandes conques. La voix d'une cloche immense se mit à tinter par-dessus tous les toits de la ville, rapidement et de façon continue. C'était le bourdon de la cathédrale qui sonnait le tocsin. Les unes après les autres, les cloches des plus petites églises se joignirent au bourdon. Mais, pour la première fois, les pompes à incendie demeurèrent dans leur hangar. Les pompiers nègres ignorèrent l'appel. Et cependant, les soldats, bien que menaçant de se mutiner, étaient rigoureusement enfermés dans leur caserne par ordre supérieur. Pourtant, le gouverneur Rostolan, maréchal de camp, savait que la ville était à la merci d'une foule nègre. Il savait que la population blanche courait le danger d'être massacrée. Un tel ordre, donné en un tel moment, semble incroyable à ceux qui l'ont vu de leurs yeux. Cela reste un des faits stupéfiants de l'histoire coloniale française. Un des nombreux faits qui paraissent justifier la haine éternelle que le créole blanc porte à la République. Avivées par une brise du sud, les flammes assaillirent l'arrière de la maison assiégée plus rapidement que les chambres de devant. Elles détruisirent tout moyen de communication entre l'avant et l'arrière, en incendiant les corridors qui aboutissaient à cette extrémité de l'escalier démoli. À travers les voûtes de fumée, des hommes affolés de mourir hideusement brûlés vifs se laissent choir des fenêtres donnant sur la campagne en abandonnant les femmes et les enfants. Du côté de la rue, ils n'auraient eu aucun espoir. Mais du côté des champs, leurs ennemis étaient moins nombreux. Il y avait à courir une chance inespérée. Parmi ceux qui tentèrent cette chance, deux furent tués dès qu'ils mirent pied à terre. Le troisième, un Français, bien qu'horriblement blessé, put courir près de 200 mètres avant d'être rejoint et abattu. Mais deux autres profitèrent de cet incident. Ils gagnèrent les hautes cannes à sucre et s'enfuirent en courant entre les tiges, courbés en deux, se tordant, se faufilant. Ils furent bientôt perdus de vue. « Béquer la campagne même !» s'écrièrent les poursuivants déçus. « Yocafen kamoe !» Seuls les créoles campagnards connaissaient ce truc pratiqué avec succès par les nègres marrons. De fen canne, fendre la canne. L'obscurité, la terreur des serpents favorisèrent leur fuite. Certains hommes chevaleresques, dont M. de Kersin, refusèrent de tenter cette dernière chance. Ils préférèrent rester pour encourager de leur présence les femmes impuissantes, les mères, les épouses et les jeunes filles, élevées dans le raffinement et dont l'existence tranquille et parfumée n'avait pas été jusque-là troublée par la plus légère ombre de crainte. Il y avait encore près de 30 personnes dans la maison en flammes, et pourtant les soldats demeuraient toujours enfermés dans la caserne. La fumée était poussée vers le nord, et du côté de la rue, on distinguait nettement la façade. Mais depuis que l'on avait jeté des pierres, personne n'était encore apparu aux fenêtres de devant. La foule regardait et s'étonnait. On eût dit que toute communication était déjà coupée entre la façade et l'arrière de la demeure. Ainsi, la dernière scène de la tragédie leur serait cachée. Ils en conçurent une déception brutale. Leur frénésie première s'était apaisée. Il ne leur restait plus que cette apathie révoltante qui, dans les natures sauvages, suit l'accomplissement d'un acte monstrueux. La tempête des cris se calma et fut remplacée par des conversations animées, pareilles aux rugissements assourdis de la marée basse. « Ce sont les femmes et les enfants qui crient ainsi, » dit un nègre. « Qu'ils soient maudits, ce sont des béquets, qu'ils rôtissent tous ensemble. »« Oui, papa. » Ils nous ont brûlés assez souvent quand ils le pouvaient. Oui, ils ont brûlé des pauvres négresses accusées de sorcellerie, et le prêtre qui les confessa affirma qu'elles étaient innocentes. Ah, c'est Taïtoto, ça! Ça se passait autrefois! Autrefois, mais nous n'oublions pas, aujourd'hui les choses sont changées. C'est juste, aujourd'hui nous luttons pour notre liberté. Oulot! Une nouvelle clameur s'éleva, car une apparition se montrait à une des fenêtres. « Mi, yon négresse !»« C'est l'Ada, Jésus-Maria !»« Pé, pézoli !»« Pé !» Le mot courut de bouche en bouche, et un silence suivit un silence d'expectative malveillante. Puis le puissant contralto de Yuma sonna avec la clarté d'un appel de clairon. « Eh, tas de capons ! » cria-t-elle sans crainte. « L'âge qui avait peur de faire face à des hommes, croyez-vous que vous gagnerez votre liberté en brûlant vives des femmes et des enfants ? Qu'étaient donc vos mères ?»« Nous brûlons des béquets !» répondit une négresse d'une voix aiguë. « Ils nous tuent, nous les tuons à notre tour, c'est juste !»« Tu mens !» s'écria Yuma. « Les béquets n'ont jamais assassiné des femmes et des enfants. »« Mais si !» vociféra un mulâtre un peu mieux vêtu que ses compagnons. « Ils l'ont fait en 1721 et en 1725. »« Aïe, macaque !» dit Yuma d'une voix moqueuse. « Et toi, tu fais brûler des négresses aujourd'hui pour les imiter ? Quel mal les négresses t'ont-elles fait, singe ? Elles sont avec les béquets. Et vous tous ?» Vous étiez avec les béquets hier et avant-hier et toujours. Les béquets vous ont nourri, les béquets vous ont donné à boire, les béquets vous ont soigné lorsque vous étiez malade. Et à toi, ô mulâtre, traite que tu es, les béquets ont donné la liberté, ils t'ont donné un nom, saloperie, ils t'ont donné les vêtements qui te couvrent, ingrat. Toi, menteur, Tu ne luttes pas pour ta liberté, car les béquets te l'ont donné il y a longtemps pour l'amour de ta mère noire. Fais docter, Milate, je te connais, lâche sans famille, sans race. Fais philosophe, ô renégat, qui veut voir brûler une négresse parce que ta mère était une négresse. Allez, bats ta béquet !» Yuma ne put se faire entendre davantage. Une nouvelle clameur de vocifération noya sa voix. Mais ses reproches avaient porté au moins d'une certaine façon. Elle avait touché et éveillé le mépris dormant, la haine secrète et jalouse que le noir ressentait pour l'affranchi de couleur. Et la déconfiture du mulâtre fut accompagnée de hurlements de rires ironiques. Au même moment, il se produisit dans la foule une violente bousculade. Quelqu'un se frayait un chemin jusqu'au premier rang, à travers la cohue compacte, rapidement, furieusement, jouant des coudes, écartant tout de ses épaules. C'était un capre géant. Il se dégagea enfin, bondit jusqu'à l'espace libre devant l'édifice en flammes, fit tournoyer son coutelas au-dessus de sa tête et cria « Nous, pas cabri les négresses !» Le mulâtre ridiculisé s'avança pour parler, mais avant qu'on pût proférer une parole, le travailleur l'assomma d'un seul coup du revers de sa main libre. « À moi, mais oui !» clama le nouveau venu. « Soutenez-moi, mes frères, nous ne brûlerons pas des négresses !» Alors Yuma reconnut Gabriel qui était là, seul, colossal, menaçant, magnifique, bravant l'enfer qui l'environnait, par amour d'elle. « Ni raison, ni raison !» répondirent plusieurs voix. « Non, non, nous pas cabri les négresses, cherchez l'échelle !» Gabriel avait forcé la sympathie et réussi à éveiller la pitié dans ses cœurs de bêtes fauves. Et toute la foule se mit à clamer « Portez l'échelle! Venez ici, yon l'échelle !» 5 minutes plus tard, une échelle touchait la fenêtre. Gabriel lui-même y grimpa. Il atteignit les derniers échelons et étendit sa main de fer. Mais au même instant, Yuma se baissa jusqu'à la lège de la fenêtre et souleva Mayotte qui se dissimulait derrière. L'enfant était stupide de terreur. Elle ne le reconnut pas. « Pouvez-vous la sauver ?» demanda Yuma en lui tendant la petite fille toute blonde. Gabriel fit un signe de négation. De la rue, un cri affreux partit. « Non, non, non ! Palais Ichébéqué ! Jean-Main Ichébéqué ! Alors vous ne me sauverez pas non plus !» s'écria Yuma en serrant l'enfant sur sa poitrine. « Jamais, Jean-Main, mon ami !»« Yuma, au nom de Dieu !»« Au nom de Dieu, vous me demandez de commettre une lâcheté ? Êtes-vous assez vil, Gabriel ? Êtes-vous assez bas ? Me sauver et laisser brûler l'enfant ? Jamais, partez !»« Laisse-la hicher des béquets ! Laisse-la hicher fille !» crièrent sans voix. « Moins !» répliqua Yuma en se retirant hors de la portée des bras de Gabriel. « Je ne l'abandonnerai jamais, jamais, j'irai trouver le bon Dieu avec elle. »« Alors brûle avec elle !» hurlèrent les nègres. « À bas l'échelle, jetez-la à terre !» Gabriel eut à peine le temps de sauter, l'échelle fut arrachée sous lui. Toute la frénésie première de l'émeute s'était rallumée à la vue de l'enfant, et la tempête des malédictions se déchaîna de nouveau. Mais il se produisit un autre mouvement. Gabriel avait trouvé des hommes pour le soutenir. Ils replacèrent enfin l'échelle et la protégèrent désespérément, le coutelas au poing. Ils appelèrent Yuma, la supplièrent de descendre. Mais elle leur fit de la main un signe de mépris. Elle savait qu'il était impossible de sauver Mayotte. La chaleur intense qui émanait du rez-de-chaussée refoula peu à peu la garde debout au pied de l'échelle. Tout à coup, Gabrielle poussa un cri de désespoir. Atteinte par un jet de flamme, l'échelle elle-même prit feu et flambait furieusement. Yuma demeura à la fenêtre. Son beau visage ne reflétait plus ni haine ni crainte. Elle était aussi calme que la nuit où Gabrielle l'avait vue immobile, son pied écrasant le serpent. Soudain, une clarté éclata derrière elle et grandit. Contre ce flamboiement, sa haute silhouette ressembla à la silhouette de Notre-Dame du Bon-Port que Gabrielle avait vue dans la chapelle du Mouillage, se détachant sur un fond d'or. Ses traits doux n'exprimaient toujours aucune émotion. Ses regards s'abaissaient sur la tête blonde qui se cachait contre son sein. Ses lèvres remuaient, elle parlait à l'enfant. La petite Mayotte leva un instant la figure vers le beau visage sombre penché vers elle, et elle joignit ses petites mains ensemble, comme pour prier. Mais elle poussa aussitôt un cri lamentable et s'accrocha à Yuma. Les murs épais vibrèrent tout à coup, comme vibrent les murs lorsque souffle un ouragan. Des cris frénétiques et déchirants partirent de l'arrière de la maison et un bruit retentit, le bruit d'un sourd tonnerre. Yuma enleva son foulard de soie jaune et en enveloppa la tête de l'enfant. Elle la caressa avec une tendresse calme, la berçant doucement dans ses bras, placidement, comme si elle l'endormait d'une complainte. Jamais Yuma n'avait paru aussi belle au regard de Gabrielle. L'instant d'après, il ne la vit plus. La silhouette de la jeune fille et la clarté disparurent en même temps, au moment où le toit et les poutres s'effondrèrent ensemble dans l'obscurité. Un silence suivit, un silence brisé seulement par les sifflements et les crépitements du feu, étouffé par le tintement du tocsin et par l'appel des grandes conques. Les victimes ne criaient plus et les bourreaux étaient épouvantés par l'horreur de leurs crimes consommés. Puis, d'en bas, les flammes luttèrent et s'élevèrent de nouveau et colorèrent de cramoisi les tourbillons de fumée, la maçonnerie toute nue, les débris de bois. Elles se haussèrent en serpentant, elles s'allongèrent, léchèrent les poutres noircies. Elles se dressèrent et grandirent féroces et s'enlacèrent en une longue spirale fluide de langues de feu qui s'agitait haut dans la nuit. Le rayonnement jaunissant s'étendit de promontoire en promontoire, palpita au-dessus du port et gravit pendant des lieues à travers l'obscurité les flancs du volcan éteint. Les mornes boisées se dressaient fantastiques autour de la ville illuminée. Il paraissait plus élevé que pendant le jour et blanchissait et s'obscurcissait tout à tour avec l'essor et la chute des flammes. Et à chaque grande pulsation du feu, la croix blanche de leur sommet apparaissait, portant l'étrange passion de son Christ noir. À la même heure, de l'autre côté du monde, un navire filait avant le soleil et portait le don républicain de la liberté et la promesse du suffrage universel aux esclaves de la Martinique.